Cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Taqaddam ma'ana fi dars al-madhi, anna al-muwahid, al-mu'min, labud an yi'atani bil-ilm al-shar'i, khasatan ilm al-tawhid. Chaque mu'min, il doit donner du temps pour apprendre son din, khasatan hadha al-ilm. العظيم أي التوحيد شكاً دواق يغذي في هذا خاصة كما بيّن المؤلف أن من حكمة الله عز وجل أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين هذا سدوى نبوسي أفير أنكور بلس ديفور وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وهذا سيفالاب بور كذلك سوكي سويف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن chacun il est éprouvé par l'autre et vu que pour repousser هؤلاء الكفرة et leur شبه leur أفكار leur pensée leurs ambiguïtés leur mal فلا بد من علم سلام يا رحم أقوى السلاح هذا العلم العظيم فلهذا قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا سلوك الإخلاص والصدق وأقبل على الله بالدعاء والعبادة والطاعة أي سلوك في دفور كي سنسير Son but, c'est le haqq. Et كذلك, il fait des efforts في العلم. Il connaît des bases, les bases de son din, في القرآن, في السنة, خاصة, le point le plus important, le premier pilier de l'islam. الشهادتين, أي التوحيد. فهذا, il sera à la خير. لكن, il faut faire ses efforts. أي, corriger son cœur, soigner son cœur, et كذلك faire des efforts avec ses membres في الطاعة خاصة في العلم الشرعي ثم قال رحمه الله والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون العام من الموحدين أي سبا أن سابع سبا أن طالب علم عامي إلي على الفطرة إلا با اتجي هذا العلم لكن vu qu'il applique التوحيد et كذلك sa fitra elle n'a pas été salie par الشرك عياذا بالله ou des ambiguïtés ou des خرافات des choses infondées هذا العامي il sera à la خير ولا يخاف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين يغلبهم أي بالحجة بالعلم بالثبات لماذا؟ لأن العام من الموحدين même s'il n'a pas beaucoup de علم il est à la خير quand on le conseille بالكتاب والسنة il applique quand on le met en garde contre الشرك بالكتاب والسنة il s'écarte ولله الحمد فلهذا خرافات المشركين وشبهات المشركين هذا العام avec son accrochement au دين Et si c'est pas, il demande. Et si on le conseille, il accepte. Fa'bi idnillahi azza wa jal, il est afdal min ha'oula wa la muqarana. On ne peut pas les comparer. Un mouahid avec un mushrik. Qala al-shaykh al-Fawzan hafidahullah, hada min al-ajaib. Anna al-ammi ghayru al-muta'allim. Hada huwa al-ammi. Ghayru al-muta'allim. C'est celui qui n'a pas étudié. قال من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين ذلك لأن العام عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأوهام وقواعد المنطق وعلم الكلام تقدم معنا أن هؤلاء مثل المعتزلة والأشاعرة أو غيرهم ممن تلوثت أفكارهم بهذا العلم أي علم الكلام لا فيلوزوفي لا آخر ils ont toujours des doutes دائما sont pas sûrs un jour ils affirment une chose et le lendemain ils nient cette même chose Un jour, ils disent que cette chose, c'est mauvais, le lendemain, ils acceptent que c'est bon. Celui qui n'est pas sur la vérité, il se contredira. Mais من يهود ونصارى وعلماء القبوريين إلى آخره فهؤلاء sont أشد تناقضا وشكوكا من هؤلاء قال أما العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة ولا علم صحيح فلهذا لما قال من علماء هؤلاء المشركين أي même si on appelle un égaré عالم فهذا سبب أنه يدن de l'importance à son علم ça ne veut pas dire qu'il a du علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا quand ils disent علماء المنطق أو علماء المعتزلة أو علماء اليهود ça ne veut pas dire qu'ils ont du علم شرعي في الكتاب والسنة من باب أولى ils appliquent لا ça veut dire que chaque أمة elle a des علماء et elle a des عوام et elle a des طلبة العلم Chaque homme. Maintenant, les musulmans, ils ont des savants. Walillahi alhamd. Il y a des étudiants en sciences, il y a des awam. Hakad al-Yahoud. Ils ont des savants. Ça ne veut pas dire que leurs savants, ils ont du ilm. Là. Yatanaqadoun. Ils ont des doutes. Lakin, par rapport à leur awam. Par rapport aux gens de la masse, ils ont donné du temps à leur ilm. Et leur ilm, c'est fondé sur le shirk. C'est fondé sur les doutes. Walillahi alhamd. Cheikh al-Fawzan. Wala ilmun sahih. لماذا لأن العلم ينقسم إلى قسمين. La science tu peux la partager en deux catégories. علم النافع c'est القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. C'est ça العلم النافع. فهذا c'est que pour علماء السنة. أما les autres فالكفار ils ont aucune part في هذا. Et les مبتدعين même s'ils ont certaines bases ou certaines connaissances dans certains points Dans d'autres points, il khalif. هذا القسم الأول وعلم غير نافع بل يضر. هذا c'est tous les علوم autres que الكتاب والسنة. On parle pas fait de dunya, on parle ceux qui veulent se rapprocher في دين الله عز وجل أو العلوم qui sont liés à la religion. Comme la philosophie et l'akhirah, هذا لا شك أنه فيه ضرر. Puis un troisième قسم c'est العلوم الدنيوية les sciences qui sont liées à الدنيا فهذا si c'est fondé sur le halal et ça contredit pas les textes et il y a une maslaha فالحمد لله كعلم الطب مثلا la médecine c'est un علم نافع chacun de nous a besoin de هذا العلم et beaucoup de علوم qu'on a besoin tous les jours et il y a des علوم qui sont fondés sur le haram ou qui contredisent des textes clairement هذا لا شك أنه c'est un علم حرام فهذا. Donc, هنا قوله علماء هؤلاء المشركين شيخ فوزان l'a bien précisé ولا علم صحيح قال وصاحب الفطرة الفطرة السليمة يتغلب على الذي ليس عنده فطرة ولا علم لأن علمه جهل أتأمل هذا الكلام لو علم سجل جهل لماذا؟ لأنه لا ينفع بل si الإنسان يغست ignorant c'est mieux que هذا العلم qui est fondé sur la philosophie, qui est fondé sur les doutes, qui est fondé sur la contradiction. Ça nous montre une faïda azima, annaka la taghtar bi'ilm ahl al-dhalal. Même s'ils ont des connaissances de certaines choses, même s'ils ont du ilm, wallahi al-jahl c'est aslam. Celui qui a la jahl, si c'est un mouahid et c'est un muslim, khasatan s'il n'a pas la capacité d'apprendre, il est à la khayr. À ne pas comprendre Anna par tous les moyens et vers n'importe qui on doit apprendre هذا العلم. Là, les Anna, أهل الباطل, ils n'ont pas profité du علم, même si c'est du Coran, même si c'est de la Sunna, eux-mêmes ils profitent pas. Kayf ils vont faire profiter des autres. Fama balo, si c'est un علم qui n'est pas sahih, qui n'est pas fondé sur le kitab et qui n'est pas fondé sur Sunna. Philosophie, c'est fondé sur des rêves, c'est fondé sur des ondits, c'est fondé sur des expériences, c'est fondé, c'est pas علم, al-kitab ou Sunna. Donc, ce qu'on recherche, c'est العلم النافع. وهذا العلم النافع sera utile si il est appliqué. لأن العلم, même s'il est نافع, pour qu'il soit vraiment نافع pour l'insan, أما العلم, c'est نافع. Le Coran والسنة, là, chaque, c'est profitable. لأن c'est كلام الله سبحانه وتعالى, le Coran. والسنة من الوحي لكن pour qu'il soit نافع pour nous il faut le mettre en application وإلا ستكون une preuve contre صاحبه. ثم قال إذن فالناس ثلاثة أقسام أي par rapport au علم trois catégories de personnes. القسم الأول من عنده علم صحيح وفطرة سليمة وهذا أعلى الطبقات وهذا هو الذي أقبل على ربه وأصغى إلى حججه وبيناته فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة. علم أي من الكتاب ومن السنة على فهم السلف القرآن السنة selon la compréhension des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et des imams qui les ont suivis avec une fitra سليمة. الفطرة ما ولد عليه البشر هذا الفطرة كل الناس يولد على الفطرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد quand il est né il est على الفطرة ثم cette فطرة elle peut changer عيادا بالله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجزانه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم c'est les parents qui vont changer cet enfant chrétien ou en juif ou en médjous وإلا l'enfant quand il est né il est على الفطرة فالسلوي كي غست على هذه الفطرة et en plus de cela il apprend العلم من الكتاب ومن السنة فهذا ولله الحمد il fait partie de la meilleure catégorie أعلى الطبقات. قالوا القسم الثاني من ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة وهو العام من الموحدين وهذا c'est le cas de beaucoup de muslims أنهم ils ont pas fait des efforts pour apprendre العلم إما ils sont dans l'incapacité مثلا il n'y a pas d'école il n'y a pas de savant il n'y a pas de masjid pour donner des cours pour apprendre إما ces choses elles sont موجودة لكن هم ils sont occupés par autre chose على كل حال إلا على الفطرة السليمة صام واحد ولله الحمد c'est pas un مشرك إلا من السنة لكن إلا un manquement في العلم فهذا السيل على الفطرة السليمة كذلك إلا على خير وهذا هذا القسم il doit revenir au premier ce قسم sont à la خير tant qu'il reste à la place أما عامي il veut rentrer dans des choses qu'il ne maîtrise pas et il se mélange avec des gens عياذا بالله qui ne sont pas à la jihad sa fitra elle pourra très vite basculer هؤلاء il faut bien qu'ils restent à leur place et ils reviennent à la première catégorie أهلُ العلم. Là, chaque, il y a des choses qu'ils ont besoin tous les jours, ils demandent. Des choses qu'ils ont besoin à fidinihim, fayas'aloun ahlil ilm. Qala al-qismu thalith, troisième catégorie. Man laysa indahu fitratun salima wala ilmun sahih. Ayyadan billah. Wa innama indahu sarabun la haqiqata lah. Sahih. Que des doutes, que des choses qui prétendent, des prétentions, faqat. أما الحقيقة والجد وكلك شوز دو الصحيح ينفع تتخذ غطاء عند هؤلاء قال فهذا يهزم أمام العام فكيف أمام العالم الذي عنده علم صحيح العام كعلى ثبات أي على الفطرة السليمة Et quand on dit ami, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune connaissance là. Ouais, mais ils ont des connaissances dans certaines choses. Et si ce n'est pas, il revient à Ahlul Ilm, lakin, c'est pas un savant, c'est pas un étudiant. Il n'est pas occupé par la science tous les jours. Hada, s'il est à la hada al-khir, à la tawhid, la shakanahu, il est afdal. Et il sera plus profitable pour la umma que hada al-mushrik ou la shak. قال فهذا يهزم أمام العام فكيف أمام العالم الذي عنده علم صحيح وفطرة سليمة هذا مما يدلك على أن تعلم العلم النافع يكون سلاحا للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم c'est ça qui est très très utile أعظم سلاح la meilleure arme pour le mu'min c'est هذا العلم أما chercher autre chose pour combattre les ennemis de l'islam que ce علم C'est min al-khudla. Chercher une autre solution pour repousser l'ennemi que هذا العلم, c'est pas sahih. لماذا لأن هؤلاء يحاربون الإسلام بأفكارهم, que ce soit الروافض, que ce soit الصوفية, إما بأولى اليهود والنصارى, ils combattent l'islam ou les musulmans avec des afkars, avec des pensées, avec des doutes, avec des ambiguïtés. Enfin, le seul moyen pour les repousser, c'est l'ilm. Bien sûr, avec التوكل. على الله سبحانه وتعالى العناية بهذا العلم، خاصة وبت علم التوحيد. والمؤلف رحمه الله va exposer, citer certaines ambiguïtés de هؤلاء pour nous montrer l'importance du علم, l'importance de connaître ces choses et de pouvoir répondre. كم من الناس، il faisait partie de la deuxième طبقة هنا، le deuxième قسم، عوام على الفطرة، لكن ils n'ont pas fait d'effort في العلم. Et ils ne sont pas revenus à Ahl al-Ilm, mais ils se sont mélangés à des mauvaises personnes, ou des mauvaises personnes. Ils leur ont fait da'wa, la soufiya, ou rafida, bel, la nasara, ou al-yahoud, à notre époque, d'alik, ils font da'wa, et tu trouves, min al-awam, ils rejoignent ha'oula. Il manque هذا السلاح. Il manque هذا السلاح, et roubama, beaucoup attirés par dunya, un va'f al-ikhlas. Et cette fitra salima, كذلك, tatalawwath, elle est salie par plusieurs choses. Par l'argent, par les mauvaises pensées, par les promesses, il a akhiré, et tu trouves هذا العامي ينقلب. Il délaisse le fitra. Tu le trouves à la base, il détestait le kuffar, il aimait les musulmans. Il détestait les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a akhiré. Thumma, tu le trouves, yawm min al-ayyam, il critique ses frères. Et des éloges aux ennemis de l'islam. Thumma, rubama, il voyage indahum. Thumma, à la fin, peut-être qu'il délaisse son dîn. كما تقدم معنا دوام ندخل دوزيام درس أي النصيحة الربانية للشيخ سعدي أي يكون سيئة السوك عيادا بالله كي سن أتغي بعلي كفا إكي دلس لغدين بغطة لا بأس ستدي عوام ستدي مسلمين لكن يفو فيغ أتنسيون أن هذا العلم بإذن الله عز وجل سين كوز بو فخيزر في سن دين. لماذا؟ لأن هذا العلم سلمي عن أبليكاسيون الإنسان يبا كونتر الله سبحانه وتعالى أكثر. Il va connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va vouloir se rapprocher d'Allah azza wa jal, suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et il sera à la khayr. Qala rahimahullah, ay al-mu'allif, fajundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan kama humul ghalibun bis sayfi wal sinan. Que ça soit un jihad avec l'ilm ou un jihad avec le sayf, avec les armes, tu trouves anna al-muwahhidin walillahi alhamd, ils ont toujours le dessus. Même s'ils sont éprouvés yawm min al-ayyam à cause d'une mukhalafa, à cause d'une ma'siya, à cause d'une choum, tu trouves, ils reprennent le dessus walillahi alhamd. Et ils ont toujours le dessus ala a'da'illah. Et ta'ammal l'exemple des prophètes alayhim sallallahu alayhi wa sallam et de leurs compagnons, de leurs suiveurs. Ils ont walillahi alhamd toujours le dessus sur les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala nassarahum. Limada? Et annahum, ils avaient هذه الحجة هذا العلم. Ils ont combattu les ennemis de l'islam avec l'ilm et avec l'essai. Le problème, il est venu les générations qui sont venues bien après, les générations après les compagnons, après les salafs, quand les bid'ah elles sont rentrées, les ma'asi elles sont rentrées bi kathra, et les mukhalafat hasala dha'f kabir. Wa illa, une umma qui donne de l'importance à هذا العلم et au amal, et au suivi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, c'est une umma mansoura. Qala Cheikh al-Fawzan, qala Allah ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, adhaf al-jund ilayh subhanahu wa ta'ala. Jundana ay jund Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa jundullahi humul mu'minun. يقال لهم جند الله ويقال لهم حزب الله. وسيأتي معنا أن الجند جمع جندي. C'est le pluriel de jundi. الجند c'est l'armée d'Allah سبحانه وتعالى. C'est les croyants. C'est eux qui font des efforts pour secourir هذا الدين. Pour propager هذا الدين. ويقال لهم حزب الله. الحزب c'est le parti. قال كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله إلى قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فهم حزب الله وجند الله. ومن أوصاف هذا الحزب ce groupe et cette armée أنهم يدتست أعداء الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Tu trouveras pas un membre du حزب d'Allah سبحانه وتعالى المؤمنون aimer les ennemis de l'islam. فلهذا قال عز وجل على العفاء دو فيرسي أولئك حزب الله سي أو حزب الله سا سا نو أن حزب الله سي با أون إتيكيت لا تي تخوف الآن يا جروب كي سابيل حزب الله سي دي روافض بعضهم سي دي ما أدري دي زنادقة بعضهم سي تو ميلونجي حزب الله كي في لبنان سي دي رؤوسهم سي دي زنادقة منافقون من أعداء الإسلام بعضهم يسون ليزون افيك اليهود اي تي تروف لو سلوغان حزب الله الروافض دون بوكو دوندوا اي سو بريتوند حزب الله لا سي با سا با اون ايتيكيت لا هذا الحزب حزب الله الي بازي سور عقيده السلف الى منهج الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ايزون كومبريانسيون دي تيكست فهم الصحابه رضي الله عنهم اما في اون ايبوك الان أن هذه هي الشعارات أي سي سلوغان سي زابيلاسيون بكثرة لو جروب دو حماس لو جروب دو حزب الله لو جروب دو أنصار الله الحوثيون مثلا من أسمائهم أنصار الله alors que ils combattent دين الله عز وجل ليلا ونهارا ils combattent أولياء الله سبحانه وتعالى فلا تغتر بالمسميات لأن هذا الاسم سي لي سيتي في القرآن وفي السنة tu trouveras d'aïman des awsaf. C'est pas qu'une appellation. Là, cette appellation, elle doit être bâtie, fondée sur des awsaf, des caractéristiques. Mathalan, huna, la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm l'akhir, yuwadduna man hadda Allah wa rasoulah. Ok, là, ils se disent Hizbullah et wa'aduhum, ils insultent les compagnons du prophète, alayhi salatu salam. Wa'aduhum, ils sont proches de l'Yahoud, des juifs, a'da'ullah. Wa'aduhum, ils combattent les mu'minin, leylan wa nahara. فإس هذا سيتخيل أبدا قال فهم حزب الله وجند الله والجند جمع جندي وهو المقاتل والمدافع عن دين الله نعم الجندي أي سي واحد في partie d'une armée مثلا les militaires الآن en arabe ils les appellent فلان c'est un jundi أي c'est un militaire أي مقاتل qui va combattre pour défendre une cause فجند الله سبحانه وتعالى c'est ceux qui combattent pour défendre دين الله لإعلاء كلمة الله عز وجل قال أضافهم إلى نفسه تشريفا لهم وجعل لهم الغلبة والحجة والسلاح فهؤلاء leur but c'est de propager دين الله أما تتخو بعض المجرمين الآن يبخطند أنهم يفون partie de جند الله سبحانه وتعالى لأنهم يكمبت pour الله سبحانه وتعالى تتخو leur cible c'est المؤمنين الخوارج داعش إلى آخر الإخوان المسلمين الضلال تدخل أن حربهم إلى كونتخ المسلمين ومع هذا يفخطان أنهم يجاهدون في سبيل الله عيدا بالله على أفكار يجاهدون في سبيل أنفسهم تبغلغ نفس فقط وإلا دين الله سبحانه وتعالى إلا jamais recommandé à quiconque de tuer un مسلم بغير حق قال جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان يعني بالعلم والمعرفة ومجادلة أهل الباطل فما تقابل أهل الحق وأهل حق وأهل باطل في خصومة إلا تغلب أهل الحق على أهل الباطل في الخصومات والمناظرات دائما وأبدا أي نعم لماذا؟ لأنهم ذو العلم فكذلك الجهاد بالعلم فجند الله سبحانه وتعالى هم الغالبون بالحجة واللسان وهؤلاء leur bien il est encore plus grand que le premier قسم لأن الجهاد بالعلم il est أنفع il est أفضل لماذا؟ لأن هذا c'est pour خواص الأمة c'est pas pour tout le monde أما بالسيف c'est chaque مسلم il peut le faire أما هذا لا il faut avoir donné beaucoup de temps à ce علم فلهذا هذا الجهاد il est pour العلماء كذلك طلبة العلم qui suivent العلماء قال فهم الغالبون بالحجة مع المبطلين كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان في المعارك إذا تقابل الجندان المسلمون والكفار فإنه ينتصر المسلمون على الكفار إذا توفرت شروط النصر فيهم بأن توكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن حصل فيهم خلل لحقت بهم الهزيمة كما حصل للصحابة رضي الله عنهم في وقعة أحد لما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل الذي قال لهم لا تنزلوا منه سواء انتصرنا أو هزمنا فلما خالفوا ونزلوا من الجبل حلت الهزيمة بالمسلمين مع أنهم مجتهدون et ils voulaient le khayr et ils ont pensé que la bataille de Uhud allait être finie enfin ils sont descendus ما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمد et أنهم leur but c'était de contredire la parole du prophète عليه الصلاة والسلام أبدا الصحابي رضي الله عنهم ils خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعمد لا اجتهاد ils ont pensé que c'était fini النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم vous bougez pas de cette montagne même si vous pensez kada kada vous bougez فهم مع الوقت avec le temps quand ils se sont aperçus de loin où ils ont compris ils ont pensé que c'était fini فاجتهدوا ils ont dit النبي صلى الله عليه وسلم quand il leur avait dit de ne pas bouger hey, tant qu'il y a le maraka mal un c'est fini ils sont descendus اجتهاد et حصل ما حصل الحقيقة صحيح ابتلاء et Allah subhanahu wa ta'ala رفعهم على كل حال لماذا لأنهم سلي كومبانيون دو بروفيت عليه الصلاة والسلام أما ما بالك توت سي مخالفات الآن بعمد نصائح من أهل العلم اي دي كونتراديكسيون بكل وضوح بل دي ديليسمون دو سيغتان تكست بعناد وإعراض اي توت سي معاصي كي سون بروباجي اي دون سيغتان اندروا بعضهم يزنسلت الله سبحانه وتعالى بعضهم يسمك du prophète alayhi salatu wasalam ou de ses compagnons ou de ceux qui les suivent بعضهم ils imitent les kuffars بعضهم ils ont encore des doutes sur certains versets ils pensent que c'est de la barbarie il a akhri كيف un qawm qui ala hada al-hal yunsar مع أن ما حصل للصحابه رضي الله عنهم on le répète c'est min bab l'ijtihad لكن il s'est passé ce qui s'est passé à Uhud Certains d'entre eux ils ont été tués, d'autres blessés. Il a arrêté. Mais l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont descendus, on répète bishtihad. Pas inad ou abadan. Sahaba radiallahu anhum, ils étaient très très loin de had. Amma toutes ces masa'ib al-an qui se passent fi al-umma, la shak anna ça ne peut pas être la cause d'être secouru contre les ennemis de l'islam. Mais ma'ana li anna sunnatullahi subhanahu wa ta'ala chikhutu. الله سبحانه وتعالى إلى على كل شيء قدير كن فيكون إلى اليمين للكفار لكن الله سبحانه وتعالى إلى كري العباد للابتلاء أي pour avoir le dessus il faut faire des causes وإلا الله سبحانه وتعالى إلى besoin de personne pour secourir sa religion لكن vu que نحن on est éprouvé via cette dunya on doit faire des efforts s'écarter des ma'asi et at-tawba et suivre le prophète عليه الصلاة والسلام Et Inch'Allah, on verra tout ça avec nos yeux à nas. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha al-ahwal. Qal wa innama al-khawf ala al-muwahhid alladhi yasluk al-tariq wa laysa ma'ahu al-silah. Wa laysa ma'ahu al-silah. Hada alayhi ay takhaf alayhi. Wa innama al-khawf ala al-muwahhid. Amma, tu comprends min hada al-kalam an al-muwahhid qui fait des efforts fait l'ilm et qui a هذا السلاح أي الحجة والبرهان والبينة القرآن والسنة فلا تخاف عليه على كل حال il est à la خير s'il a de l'argent il est à la خير s'il est pauvre il est à la خير s'il a bonne santé il est à la خير s'il est malade il est à la خير s'il est éprouvé par des ennemis il est à la خير s'il a le dessus il est à la خير لماذا لأن son cœur il est à la ثبات أما الخوف il est à la الموحد الذي يسلك الطريق اي qui vit dans cette dunya et bien sûr qui avance et cette dunya on est en voyage on se déplace jusqu'à notre tombe et il a pas de silah c'est comme واحد tu le poses au milieu du désert et il a pas d'eau كيف سيفعل il a marché un peu ثم يتعب ثم يهلك c'est comme si واحد il est tout seul dans une forêt بين الوحوش tout seul et il est dans cet environnement au milieu de bêtes féroces et il n'a pas d'armes ou la chaîne qu'est-ce que c'est il va se sauver un jour il va se cacher le deuxième jour et le troisième jour là chacun il se fera surprendre celui qui vit avec les ennemis de l'islam et il n'a pas d'ilm Et même s'il ne vit pas avec les ennemis de l'islam, les choubahs, elles se propagent partout avec les médias. فالخوف إلى على الموحد وتأمل قوله على الموحد أما الخرافي celui qui se base sur les rêves sur les ondis sur les ancêtres sur mon grand-père sur vous là bah هذا il est على خطر أما هذا c'est un موحد لكن s'il a pas de علم tu craindras pour lui des شبهات des autres et comme من موحد نسأل الله العافية il s'est fait tromper par هؤلاء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا هو الواقع فالموحد الذي يسلك الطريق ويواجه الكفار ويقول أنا أدعو إلى الله وليس عنده علم ولا يقف أمامه واحد من عوامهم ويلقي عليه شبهة ما استطاع الجواب الشيخ الفوزان لا ستان كابريسي أن سيس موحد يسميه رفا إلا بعد علم إذا بوليميكي avec les ennemis de l'islam فهذا إلي على خطر كبير. Il a même si polémique pas à notre époque avec les médias, il a fait les citant l'oreille à droite à gauche. Obama il sort dehors pour acheter quelque chose, faire ses courses, et il y a des choubes partout. Si ce mouhid veut se mettre en avant alors qu'il n'a pas les larmes qu'il faut, c'est comme s'il se livrait à ses ennemis. Faites-moi du mal. عيادا بالله قال فالموحد الذي يسلك الطريق ويواجه الكفار ويقول أنا أدعو إلى الله إيه هذا المرض كي يبخباجي عن أطريق أن البعض يفل سمت خان أفان بعضهم يزون بل انتنسيون ولا شك لكن يزون با يزون با هذا السلاح يبخطان لكن أنا جو فو لغ منتخي كي سكي تدني ست مسؤولية كمو تي فو منتخي une chose que tu n'as pas. فاقد الشيء لا يعطيه. Celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. Comme واحد veut faire une sadaqa, il n'a pas d'argent. Voilà, ما يستطيع هذا. Fais des efforts. Si tu veux faire des sadaqas, fais des efforts, travaille. فكيف واحد veut montrer aux autres, aux ennemis de l'islam, et il n'a pas étudié. ما تعلم, il ne connaît pas les choubah de l'qawm. قال, وليس عنده علم لو يقف أمامه واحد من عوامهم. من عوام هؤلاء أي عوام المشركين من عوامهم فقال يلقي عليه الشبهة ما استطاع الجواب عامي من الكفار on parle même pas de واحد من الكفار qui a des connaissances qui a étudié certaines choses qui a des شبه قوية عريب هذا في أهل البدع وأهل الكفر بعضهم ils ont des شبه لماذا لأنهم ils ont certaines connaissances أما tu trouves le كفار كذلك ils ont des عوام qui connaissent rien du tout. Tu le trouves ce ami pour en mettre une choubha à ce ami min al-muahidin. Lémada. Léana, le dialogue, il est fondé sur le djahl. Même si le kafir, il est djahl, il a une mauvaise intention. Et le musulman, il est djahl, il a une bonne intention. Là, il n'a pas le droit de rentrer dans une chose qu'il ne maîtrise pas. Qala fa hada mima yujibu ala talabati al-ilm wa ala al-du'ati ila Allah khususan an yatafaqahu fi dinillah wa an yata'allamu hujjaj Allah wa barahinah وأن يطلعوا على ما عند الخصوم والكفار والمنافقين من الباطن من أجل أن يدحضوه ويكونوا على معرفة به. حسنا، فسأفعل ذلك في العلم. أخي الكريم، si ça te touche, ولا شك ça doit tous nous toucher, أن les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى font du mal à l'islam, الروافض من جهة, les chiites من جهة, الصوفية من جهة, القبوريون من جهة, اليهود والنصارى المنافقون سي ساتف في دو مال لا شك صافي في دو مال شاك مسلم احذر من الهوى attention de ne pas perdre tes moyens et suivre tes passions. En بعضهم ils veulent défendre le haq, ils ont de bonnes intentions, لكن ils font plus de mal que de bien. المساله c'est din. On défend pas une entreprise, on défend pas une équipe de sport, là c'est du din. فسي ساتف في دو مال fais des efforts في العلم اقبل على العلم الحفظ والدروس والقراءة والمطالعة والمجالسة مجالسة أهل العلم والرحلة كذلك voyager faire tous ces sacrifices et tu verras qu'au bout d'un certain temps si tu es sincère et tu étudies هذا العلم على طريقة السلف لا على طريقة المتخبطين تخبط أي واحد il veut apprendre et il se précipite d'un jour هنا un jour à droite un jour à gauche. Là, là, il va perdre beaucoup de temps. Là, à la tariqa ti ahlul ilm, tu écoutes les conseils et hakada pas à pas. Tu verras, inshallah, qu'en quelque temps, tu auras une hasila tayyiba. Tu auras des provisions, tu auras acquis des connaissances. Et bi'idnillah, chacun par rapport à son niveau, hatta yiftah Allah. Amma, tout le monde parle. Et c'est ce qui se passe là, à notre époque avec ces réseaux sociaux. Tout le monde parle. Tu trouves là dans les réseaux sociaux, wahid min al-mu'minin, min al-mu'hidin, yada inaqash liyahum. Thumma inaqash al-nasara, les chrétiens, les juifs. ثم للصوفي ثم للشيعي ثم للتكفيري ثم فلان فلان للايك للزعتي à la fin de la journée il est rempli son cœur de choubouha ثم il pose ses questions لا ينفع هذا لا pose pas de questions أخي الكريم on n'est pas à une étape نحن qu'on doit poser des questions par rapport à ça fais des efforts في العلم apprends le Coran apprends شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم apprends كتاب التوحيد apprends الواسطية étudie كشف الشبهات. Fais des efforts et tu verras que la plupart des questions, tu ne te les poseras plus. Écarte-toi de Haoula. C'est que de leur perte de temps. Dans les réseaux sociaux, Haoula, la yubaloun. Tu ne sais même pas c'est qui en face de toi. Un djinni ou un ins. Là, tu peux y avoir ta kfihad. Fais des efforts. Et si tu veux conseiller, conseille tes proches au Oulam. Conseille tes parents, ils t'aiment. Tu es leur fils, tu es. Oh, si c'est une fille, leur fille est. Et ils te veulent du khayr. Même si c'est des kuffars, il reste cette mahabba. Conseille-les. Billati hiya ahsan. Conseille tes voisins. Conseille tes frères et sœurs. Amma, on délaisse tout cela. Et derrière un écran. Et toute la journée. Et ayyadam billah, ahyanan, quand tu lis, tu sens. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam bima fil quloub. Lakin min as-siyaq, comment c'est fait. Ahyanan, l'énervement. Ahyanan, des insultes. Tu sais que, tu sens que chacun défend son nefs. Notre frère Mouhid défend son neuf, c'est le kafir, là chacun il défend son neuf. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait hakada? Iyadam billah. Est-ce que le sahaba radiallahu anhum il faisait hakada? On ne perd pas notre temps. Le temps il est qasir, on apprend hadha al-ilm. Et petit à petit on propage le khair, chacun à son niveau. Propager les doros, propager les livres des savants, propager, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, des traductions. Et tu t'arrêtes là. Et si tes proches ils sont pas à la lecture, et si tu étudies, bah, tes connaissances tu les propages. Mais en polémique avec jami' ahl al-batil, c'est très très grave. Qala wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma arsala mu'adha ila al-yaman qala lahu innaka ta'ti qawman min ahl al-kitab min ajli an yasta'id li'anna alladhina amamahu ahlu kitab wa ahlu 'ilm وعندهم حجج وعندهم شبهات وعندهم تلبيس فتأمل هذا الحديث أي avant de parler avec هؤلاء avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il envoie Mu'ad pour appeler هؤلاء à l'islam le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a donné une indication très très importante إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ et tu vas parler avec des chrétiens là. Ils ont certaines choses, ils ont un livre et prétendent aimer Isa. Mu'ad radiallahu anhu, il s'est appuyé sur cela pour faire la ta'wa. Kadhalika al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas envoyé tout le monde. Il a envoyé wahid. Mu'ad radiallahu anhu. Kadhalika il a envoyé Ali radiallahu anhu. Kadhalika il a envoyé Abu Sa'id radiallahu anhu. Kadhalika il a envoyé plusieurs de ses compagnons. Lakin ta'ammalu. Ça montre que ce n'est pas tout le monde. La ta'wa, ce n'est pas tout le monde qui parle avec tout le monde. Là, khassatan. مناقشة أهل الباطل من يهود أو نصارى أو أهل البدع c'est pas tout le monde hein. أما نحن on n'est pas qu'on se précipite avant العلم الدعوة وهذا لا ينبغي العلم قبل القول والعمل et الدعوة c'est من العمل أولا العلم on ne brûle pas les étapes ثم ولله الحمد سيفتح الله عليك si tu es sincère et véridique attention à هذا لماذا on insiste لأننا même si on a une bonne intention et on ne fait pas attention, cette bonne intention elle peut nous pousser à elle. Et on se précipite tellement qu'on veut le bien, on dépasse les limites. Là, la bonne intention c'est une chose, et al-hudu, wa-sakina, et tes forces mêlées fil'il. Et ce qui nous fait beaucoup de mal, c'est al-takalluf. On pense que tout le monde va être égaré, et si on ne parle pas, Fulan il ne va pas être guidé. Là c'est pas un début profitable في الدعوة. Quand tu veux faire الدعوة, اعلم أن الله عز وجل يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت. Ça va te reposer jiddan. Si tu as du ilm entre celui qui accepte, alhamdoulilah, celui qui n'accepte pas, c'est pas toi qui guides. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'duhum at-takalluf, et il pense que tout le monde s'égare, donc il doit parler. S'il ne parle pas, il va se passer telle chose. Et Obama, il parle des fois, il n'est même pas sûr. Ah oui, il parle, il n'a pas de délit. Ah oui, il parle, il n'est pas prêt. Pourquoi tu te fais du mal pour sauver un tel? Alors que tu dois savoir, si tu ne sais pas, là, c'est Allah Azza wa Jal qui sauve, qui guide. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فلا بد أن يكون معاذ رضي الله عنه على استعداد من أجل أن يقوم بالدعوة تأملوا هذه الكلمة استعداد الاستعداد c'est se préparer الدعوة c'est pas comme ça c'est pas comme un clavier à notre époque et هكذا خلاص tout ce que j'ai envie de dire je le dis بعضهم يمنت في الدعوة لماذا لأن c'est un ennemi de l'islam en face بعضهم Ils insultent. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi de l'islam. Il n'y a pas d'istiadad. Ben, c'est fondé sur l'ajjala ou l'hawa. Mais celui qui veut faire un da'wa, istiadadun, il se prépare. S'il ne sait pas, il demande. Oh, il prépare. Yannan, tu veux faire un da'wa? Prépare, akhi al-karim. Même si c'est un proche. Ne t'annonce pas à kada. Tu vas dire un kalam haq et après tu ne vas plus savoir t'arrêter. Robama, mensonge ou des choses qui sont fondées sur de l'ignorance. Là, prépare, akhi al-karim. Comme Mu'ad radiallahu anhu, il a été préparé avant d'être envoyé au Yémen. قال ثم قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا فيه كذلك أن الدعوة tu n'appelles pas ce que tu veux, même si tu as du ilm. بعضهم يفون الدعوة يدي tout ce qu'il sait. واحد il lui a même pas demandé telle chose, ou le sujet c'est même pas sur tel point, et il sait tout ce qu'il connaît. هذا c'est pas من الحكمة. لا Si c'est un kafir, on commence par tawhid. Si c'est un mouahid, lakin il a des problèmes dans telle chose, on commence par les problèmes qu'il a. S'il a plusieurs problèmes, on commence par résoudre le problème le plus grave. S'il a un manquement dans plusieurs choses importantes, on commence par régler la chose la plus importante. Mais on mélange tout. فَهَذَا مَا يَنْفَعَ فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قال حفظه الله هذا مما يؤكد على الموحدين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وعلى الدعاة إلى الله بصفة أخص أن يتعلموا ما يدفعون به الباطل وينصرون به الحق وإلا فإنهم سينهزمون أمام أي شبهة تعرض لهم سينهزمون أي يسفندرون devant cet ennemi يفندرون comme le sel يفند dans l'eau Devant n'importe quel choubra. Et maintenant, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de ilm. On fait attention à la chasse à notre époque. Notre époque, c'est une époque où هذا الباب كثير من الناس يتساهلون. لماذا? تذكرون أن à l'époque, la da'wa, c'était dans le masjid. Ou c'était dans la rue. Aïe, le kalam, moubachara. Aïe, parler directement. Ou c'était avec les audios, des cassettes à l'époque. Ou des CD. Ou avec. L'écriture de livres. C'était ça le da'wa à l'époque. Il n'y avait pas internet, il a fait. Maintenant, on vit dans une nouvelle ère. Tout va changer. N'importe qui peut ouvrir un compte, ouvrir une chaîne, propager, parler. Tu n'as même plus besoin d'être en contact. Tu n'as même plus besoin d'argent. À l'époque, pour da'wa, il fallait de l'argent, il fallait se déplacer. Pour des audios, il fallait du matériel. Pour les livres, il fallait du matériel. Maintenant, tu n'as plus besoin de tout cela. Avec ton téléphone ou un ordinateur, tu fais tout. Et la plupart des gens, là, ils ont un téléphone ou un ordinateur. Allez, là, كثير من الناس ils sont rentrés via هذا الباب. Et كثير منهم, ils ont une bonne niya. Lakin, ça ne suffit pas. La bonne niya, ça ne suffit pas. لابد من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من مريد للخير لم يبلغ. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. Combien de personnes ils veulent faire du khayr, lakin ils n'arrivent pas à faire ce khayr. L'imad, l'ayana, c'est fondé sur l'ignorance. Al-hadr, minal l'istijal ou minal hawa. Se précipiter, et kadalik les passions, fait attention à ces deux maladies. Qalou an mushkila, idha ajaza da'iyatu ila Allah, an yujib ala shubahi al-mulabbis, amam al-nas, ou ajabahu bijjahl. Hada ashad. ولا يتعارض هذا مع قول الشيخ والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين لأن العام الموحد وإن كان كذلك عليه الخوف من شرهم وأخذ الحذر منهم بتعلم العلم النافع نعم والمشكلة إذا عجز الداعية إلى الله أن يجيب على شبه ملبس أمام الناس أو أجابه بجهل. هذا سيكوا لا كوز سي سو كي سميت ان افون ما سيلو كي غش شي لوي البنجد لي فريكونت الصالحين العلم يفرم لي بورت دو القيل والقلب il sera pas confronté à cette situation. أي يجيب على الشبه الملبس أمام الناس أي عجز أي peut pas celui qui rentre مثلا que ce soit dans les réseaux sociaux ou autre, il se met en avant. فربما إن شبه il pourra pas répondre. Qu'est-ce qu'il va comprendre هذا المبطل qu'est-ce qu'il va comprendre il va comprendre أنه il est على حق et il va dire à ses suiveurs انظروا ce muslim ce mouahid qui prétend il n'a pas réussi à répondre t'as vu la haqiqa notre frère là il fait du mal oh il répond bijahl c'est quoi qui pousse à هذا بعض الناس والله ils savent أنهم ils n'ont pas de délire ils savent أنهم ils n'ont pas de réponse لكن vu que عياد بالله il y a un problème dans le cœur et cette munaqasha ce débat il est fondé sur je défends ma propre personne il ne peut pas dire je ne sais pas l'imam il a un ennemi de l'islam en face de lui il ne peut pas dire je ne sais pas il répond bijal pour bloquer même si c'est bijal ça c'est très très grave celui qui ne répond pas il ne sait pas il a fait une erreur c'est quoi cette erreur et il s'est mis dans cette situation alors qu'il ne devait pas et il polémiquait avec cet égard amma celui qui répond bijal il sait qu'il ne sait pas il ne sait pas s'arrêter là, il a commis deux fautes il s'est avancé et il parle bighayr ilm qala wala yata'arad hadha ma'a qawl ash-shaykh wal-'ammi من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين لأن العام الموحد وإن كان كذلك فعليه الخوف من شرهم وأخذ الحذر منهم بتعلم العلم النافع وقد استشكل بعض الإخوان هذه العبارة وهي قول الشيخ والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين مع قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح نعم بعضهم استشكل أي المؤلف رحمه الله قال العام من الموحدين il peut battre mille من هؤلاء ثم قال الخوف إنما الخوف على الموحد أي on craint pour lui s'il n'a pas de علم alors qu'au départ قال عامي il peut battre mille alors que العامي il n'a pas de علم قال الجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة يستنكر بها الباطل أما علماء الضلال ففطرتهم فاسدة نعم أي أن العامي va prendre dessus sur هؤلاء المشركين أي بفطرته لكن أعامي كي على الثبات أي يخاف من الله سيسارته أما أعامي كي ديباس ليميت فلا قال وحججهم وهي العامي يغلبهم بالفطرة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفصيل من حيث الجملة أي sans rentrer dans les détails لماذا لأن هذا العامي سيسارته il sait s'arrêter ben même s'il parle c'est selon ses connaissances et il sait s'arrêter et là, ça arrive là, c'est ce mobtil qui vient te parler et il essaie d'égarer les gens devant toi et un tas tu sais mais feu tranquille tu réponds et tu t'arrêtes amma ala wajhi tafsil ay dans les détails fal'ammi ma yastati' limada lianna dans les détails il faut du ilm et ce ammi il n'a pas de ilm dans les détails il faut connaître les ambiguïtés de cet égaré et ce ammi il n'a pas ses connaissances قال فالعام الموحد أحسن حالا من علماء الكلام والمنطق فكتاب الله ما ترك شيئا نحتاج إليه من أمور ديننا إلا وبينه لنا لكن يحتاج منا إلى تفقه وتعلم ولو كان عندك سلاح ولكن لا تعرف تشغيله فإنه لا يدفع عنك العدو وكذلك القرآن لا ينفع إذا كان مهجورا وكان الإقبال على غيره من العلوم نعم فعلم كتاب الله سبحانه وتعالى لكن avec تفقه وعلم لأننا نطخ بخبلم الآن أن بعض المسلمين ربما حافظوا القرآن ils ont appris le Coran أو ils ont appris شيء من السنة أو ils ont étudié l'arabe ils sont poussés pour polémiquer devant أو avec les ennemis de l'islam كأنهم علماء alors que ça reste des عوام même s'ils ont appris بعضهم ربما c'est un imam من أئمة certains مساجد c'est un imam d'un masjid et ça reste comme un ami là chaque il y a une différence من حيث الحفظ il connaît le Coran il a appris لكن pour polémiquer avec les autres il n'a pas la couleur لماذا؟ لأن الحفظ une chose et التفقه c'est une autre chose. كم من الناس يحفظون القرآن they connaissent pas le sens. هذا لابد من تفقه ومن تعلم. نعم. أما celui qui a الحفظ فقط كما قال الشيخ البوزار c'est comme celui qui a une arme et ne sait pas l'utiliser. Est-ce qu'il va faire des ennemis? Est-ce qu'il va faire du mal aux ennemis? أبدا. بل ربما il se fait du mal à lui-même. Il ne sait pas l'utiliser. فهكذا celui qui a mémorisé فقط القرآن حجة لك أو عليك حجة لك si avec هذا الحفظ il y a une étude عند علماء السنة عند أهل الخير فبإذن الله عز وجل في هذا الحال ça sera utile et كذلك appliqué. أما مجرد حفظ et ne pas appliquer et ne pas comprendre فهذا ربما يضر صاحبه. قال وقد من الله تعالى علينا هذا كلام شيخ الإسلام وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين إن هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة قال شيخ الفوزان هذه قاعدة معروفة لأن الله جل وعلا يقول عن القرآن تبيانا لكل شيء ويقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فلا يوجد شبهة في الدنيا ولا يوجد شبهة في الدنيا أو باطل في الدنيا يدلي به كافر أو ملحد إلا وفي القرآن ما يرد عليه أصل العلوم سر القرآن الكريم وما قال عز وجل إلى ستة الفرسي هنا تبيانا لكل شيء celui qui veut comprendre هذا العلم il doit faire des efforts pour comprendre l'asl c'est pas من الحكمة de faire des efforts في العلم et de laisser l'étude du Coran de laisser حفظ القرآن de laisser تدبر القرآن même celui qui ne peut pas l'apprendre par cœur يكرر et il donne de l'importance au sens, au ma'an قال لكن لا يتبين هذا إلا بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته حق الدراسة حتى يعرف ما فيه من الكنوز وما فيه من السلاح وما فيه من الدخيرة التي تقاوم بها أعداءنا فنقبل على كتاب الله حفظا وتفهما وتلاوة وتدبرا وعملا حتى نكون مسلحين بهذا السلاح أما الحفاظ كما تعلمون يليون بكو دون الأمة حفاظ القرآن بكو que ce soit des enfants, des garçons, des filles, des hommes, des femmes, من العرب, من العجم, كثير من المسلمين يحفظون القرآن. لكن لابد مع الحفظ من دراسة. حتى الإنسان يستفيد من كنوز هذا القرآن كما قال الشيخ الفوزان. Pour profiter des trésors de ce Coran. لابد من تفقه حتى on comprend. On comprend ma ja'avi, l'awamir, les ordres, les interdits, qasas al-anbiya, les histoires des prophètes, kathalik ma hassala li nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est lié à umur al-ghayb, yom al-qiyam, al-janna wa al-nar. On a eu un fruit azim. Amma mujarrad, hivr, sans compréhension, thamara, le fruit, ça ne sera pas comme wahid qui a étudié ce Coran et qui l'a compris. قال أما مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه فلا يكفي وأهل الكتاب ظلوا وكفروا وعندهم التوراة والإنجيل لما تركوا تعلمهما والعمل بهما أما مجرد وجود القرآن سأسفيبا من سيلي محفوظ في الصدور لا يكفي لماذا؟ لأن ربما خالف ليل ونهار لماذا؟ لأن إما فغنيرانس إما عيادا بالله بعناد السبلغار اليهود والنصارى يسسون إكاري alors que ils avaient un livre et leur égarement les a poussés à falsifier ce livre عيادا بالله التفقه c'est مهم نحن في une époque أن العناية بالقرآن عند كثير من الناس c'est devenu que le fait de l'accrocher فقط أما celui qui احبط في الحقيقة il a du خير سير تقصير في العمل أو تراكم خانسيون فينصح لأن لا يحفظ القرآن أحد إلا بجهد celui qui يحفظ القرآن ça montre qu'il a du خير لكن on vit une époque ان البعض يتنس كو سا سوفي لكن مثل هؤلاء ينصحون اما يا نوتر نوتر كاتيجوري انهم عنايتهم كما قلنا سي كو لاكروشي لاكروشي دون لي مور لاكروشي دون لا فوتور هذا لا ينفع اولا سي بدعه الصحابه رضي الله عنهم ils ont jamais fait هذا وكذلك الفائده سي دو كومبروند دابليكي قال لكن لابد من دراسة القرآن على ضوء السنة النبوية وتفسير السلف الصالح هذا سيسا دراسة القرآن دراسة القرآن سأدتجي هذا القرآن على ضوء السنة النبوية لأن السنة لكسفلك القرآن وكذلك بتفسير السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم كيس كيزون كومبري دو سو فيرسي Tu trouveras fi kutub al-tafsir, qala ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala ibn Mas'ud, qala Uthman, qala Ali, qala Umar, qala Sa'id, qala Abu Sa'id, qala Abu Musa, radiyallahu anhum. C'est ça le tafsir al-salaf. Kedhalik, qala Mujahid, qala Sufyan, qala Malik, qala Imam Shafi'i, ila akhirin. A'immat al-sunnah, c'est ça le tafsir al-Qur'an. Léanna, on a un autre problème, anna al-ba'd yufassirouna al-Qur'an bil-hawa. قال الشيخ البوزان لا على ضوء الدراسة المعاصرة المبنية على التخرص والجهل قال أو ما يسمونه بالإعجاز العلمي بعضهم شغلهم الشاغل سي هذا أي يفل كومبخوندر سو قرآن أو يزيتودي دي فيرسي كي أون ديمونتخي مثلا من ديكوفيرت سيانتيفيك أي غيست سو هذا القرآن إلا ديمونتخي تل شوز مثلا تو سكي لي على لامبريون Tout ce qui est lié à, aux étoiles, à la lune, au soleil, ils sont fiers à la lune. Et ces al-juhal, ils ne savent pas que ce kafir, même s'il reconnaît que Allah Azza wa Jal, c'est le créateur, il ne suffit pas. Il faut qu'il adore Allah Azza wa Jal seul, da'wa tu l'anbiya. Allez, hada, tu trouves que ces sinéens, ils sont fiers à la lune. C'est fondé sur les découvertes, ou les théories, nadariyat. Et, cher Fawzan, et d'autres des ahles de l'ilm, ils ont des fatwas fiers à la lune, ils mettent en garde. Mais cette théorie aujourd'hui, ils disent qu'elle est vraie, demain elle est contredite par un autre. Si on explique le Coran avec cette théorie, sans on s'aperçoit que cette théorie elle est fausse, bah, qu'est-ce qu'on va dire? Le Coran il a expliqué une chose fausse, iyadam billah. On délaisse toutes ces khurafat ou hada al-jahl. Ba'dhum sinin, ils sont vihada. Ils essayent de démontrer dans le Coran, dans tel verset, telle chose. Et ba'dhum, ils ont des khurafat et du kadhib, kadhalik. Anna, ce verset il montre que telle chose elle va se passer et dès qu'il se passe une chose ils disent regardez tel verset il l'a démontré et c'est du kadim takalluf. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre Wardom, ils avaient propagé anna, tel verset il démontre qu'il allait avoir les attentats du 11 septembre et takalluf ajib et kadim anna, tel verset il y a tel temps de lettres et ces lettres en fait c'est égal à 11 et après tel mot c'est le mois de septembre et kadim. Est-ce que tu as un doute en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a qadr hada shay. Hada, on n'a aucun doute, wa lillahi alhamd. Ad-da'wa ila tawhid al-anbiya wal-mursalin. C'est ça le din. Combien de versets vit tawhid? C'est ça qu'on doit comprendre et appliquer. Qal al-shaykh al-fawzan, v'laysa hada khassan vil-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ahli zamanihim al-Qur'an. Bel hada amun li kulli ummatihi ila an taqoum al-sa'a lakin yahtaj ila inaya bil-Qur'an. ودراسة للقرآن كما ينبغي لأن فيه بيان الحق والرد على أهل الباطل نكتفي بهذا on passe à notre deuxième درس وبالله التوفيق on est arrivé ولله الحمد si on peut appeler cela la deuxième partie du livre أن المؤلف رحمه الله va répondre aux شبه allez هذا la prochaine fois on va commencer quand on va lire sa parole رحمة الله عليه إن شاء الله وأنا أذكر لك الشيء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا اي va répondre à des choubah certains mushrik ils ont pris comme argument certains versets du Coran pour répondre à Cheikh al-Islam et montrer qu'ils étaient à la haq alors qu'ils faisaient du shirk Cheikh al-Islam il va répondre comme تقدم معنا en deux parties جواب مجمل اي un جواب global sans détail ثم il va répondre بالتفصيل en détail telle choubha et il va répondre avec des preuves du Coran et de la Sunna alhamdulillah on a fini la première partie et Orbama c'est la moitié du livre ou un peu plus la première partie révisez-la si on a le temps inshallah on fera une brève révision du début jusqu'à cette partie. Aïe, la différence entre Tawhid Rububiyya ou Tawhid Uluhiyya, la différence entre Rabb ou Al-Ilah, et كذلك أن هذا التوحيد سوف impliquer deux choses, الفرح والخوف, jusqu'à cette période. Et كذلك أن المؤمن il a des ennemis. Et il est obligé d'avoir هذا السلاح, هذا العلم, خاصة العلم التوحيد. Et بإذن الله عز وجل, si on a compris cette première partie, on passera à la deuxième. Et نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة.